Yoko Douiman. Bonjour à vous tous et merci de nous rejoindre sur Isanganiro. Nous sommes le 29 janvier 2022. Voici les grands titres de cette édition. Le président de la République, Évariste Ndayishimiye, annonce pour bientôt la mise en place d'une commission chargée de contrôler toutes les cotisations des enseignants dans leur syndicat. Les signatures de deux accords entre le gouvernement burundais et la République unie de Tanzanie. La soirée de ce vendredi, le premier accord concerne la construction du chemin de fer Uvinza-Musongati-Gitega et l'autre porte sur la construction du port sec du Burundi à Dar es Salaam. Et le conseil interconfessionnel du Burundi a rassemblé les jeunes en Ngozi autour des travaux communautaires. Objectif, renforcer la cohésion sociale. Et à la fin de ce journal, vous aurez droit à la revue de presse. Raissa Liliane me rejoindra pour la présentation ici au studio. Voilà pour le sommaire. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Rebonjour. Signature de deux accords entre le gouvernement burundais et la République unie de Tanzanie. C'était la soirée de ce vendredi. Le premier accord concerne la construction du chemin de fer Uvinza-Musongati-Gitega. L'autre porte sur la construction du port sec du Burundi à Dar es Salaam. Le ministre des Infrastructures, Deogratias Sanganiumwami, qui a représenté le gouvernement, a précisé que les travaux de construction du chemin de fer dureront entre 3 et 4 ans. C'est plutôt le ministre Deogratias Sanganiumwami, des propos recueillis par Moïse Misago. Au nom du gouvernement du Burundi, il s'agit de désaccords, comme vous venez de le voir. Comme vous l'avez suivi dans ces derniers jours, nous avons été très récemment en Tanzanie, à Kigoma, et c'était pour voir ensemble, analyser et le contenu de l'accord entre la République unie de Tanzanie et la République du Burundi sur la construction du chemin de fer Uvinza-Musongati-Gitega. Quand nous étions là-bas, ça fait déjà deux semaines, on aurait pu signer définitivement l'accord là-bas, mais comme nous l'avions signalé, il y avait un service juridique de la République unie de Tanzanie qui avait demandé de passer un peu en revue le contenu de cet accord, et raison pour laquelle nous avons pu paraffer uniquement là-bas, mais aujourd'hui c'était la signature de cet accord et du projet de construction du chemin de fer Uvinza-Musongati-Gitega. Le deuxième accord que nous venons de signer, vous l'avez aussi suivi avec nous, ça fait un bout de quelques mois. La délégation burundaise est conduite par l'excellence et le chef de l'État du Burundi. On a été aussi en Tanzanie et nous avons visité les différentes infrastructures de transport en Tanzanie. Et parmi ces infrastructures, comme vous l'avez suivi, la République unie de Tanzanie a accordé un terrain de 10 hectares et pour la construction d'un port sec pour le Burundi. Alors maintenant, c'était pour signer concrètement ces deux accords et pour que les travaux de construction du chemin de fer puissent commencer, mais aussi que les travaux de construction et de ce port sec de Kuala puissent aussi commencer. Et maintenant que nous venons de signer l'accord entre la République unie de Tanzanie et la République du Burundi, nous allons passer à l'étape suivante, qui est l'étape de passer à l'élaboration et publication du DAO. Par après, il y aura des soumissionnaires. Celui qui va gagner le marché, vous le savez très bien, qu'il y a aussi une période qui lui est réservée pour qu'il puisse se réorganiser très bien, après quoi il commence les travaux. Je pense très bien que ça ne va pas prendre beaucoup de temps, c'est question de quelques mois uniquement. Alors, le projet de construction va prendre 3-4 ans. Le ministre en charge des infrastructures, Deogratias Sanganiumwami. Et la mesure gouvernementale de revoir à la hausse le prix du carburant à 12% du récent prix par litre de ce produit aura des conséquences fâcheuses sur la monnaie burundaise et sur la vie de la population, dont la plupart qui n'avaient pas le pouvoir d'achat de certains produits de première nécessité ces derniers jours. Analyse de l'économiste Faustin Dikumana, qui demande au gouvernement burundais à mettre sur pied dans l'urgence la politique de relance de l'économie du pays pour sauver ce qui reste à sauver. On l'écoute. Nous avons des prix élevés, l'inflation qui est là, mais le chômage, le pouvoir d'achat de la population reste faible. C'est une situation atypique qui augmente la difficulté de vie chez beaucoup de citoyens. Et si on analyse la structure du prix aussi, si on consulte la loi des finances, on voit qu'il y a une taxe spéciale de carburant de 210 qui a été appliquée. On devait avoir la structure, alors la nouvelle structure, voir le prix faible. Est-ce que s'il y a une augmentation sur le marché international, est-ce qu'il y a une dévalorisation du franc par rapport au dollar? Est-ce que le gouvernement a pu au moins supprimer certaines taxes pour quand même éponger ce risque sur de la page d'augmentation élevée. Parce que même dans certains pays, on subventionne le prix d'un litre à la pompe. Si on ne parvient pas à subventionner, au moins on peut s'abstenir à instaurer certaines taxes ou les abandonner pour que l'augmentation reste dans les limites acceptables. On nous interpelle au gouvernement vraiment à concevoir, à mettre en place une politique de relance économique, une politique de relance économique digne de ce nom pour renforcer la capacité de résilience nationale par rapport à ces chocs externes. Parce que ces produits comme le carburant, ce n'est pas nous qui l'extrayons. Et c'est un produit importé. On devra toujours l'importer. Et cette relance économique, justement, par des causes qu'on analyse structurelles, des causes structurelles dont l'inflation actuellement, il y a d'abord au niveau des devises, l'arrêté des devises qui engendre la perte de valeur de la monnaie burundaise par rapport aux devises. Ça veut dire que tous les produits importés se verront augmenter les prix. Il y a la politique budgétaire à travers laquelle le gouvernement continue à accabler de taxes certains prix des produits de première nécessité. Il y a par exemple le dysfonctionnement du système productif actuellement. Les produits se raréfient sur le marché burundais. La pénurie aussi peut augmenter l'inflation suite aux spéculations. Voyez aussi, créer le ciment, des fois même les produits baroudis. Faustin Dikoumana, il est économiste. 264 bouteilles de vin de banane d'Iterama, 70 bouteilles de boissons appelées Machozia Simba, 58 bouteilles de boissons dénommées Savana et 43 bouteilles aussi de Akabilia. Toutes des boissons prohibées et dont la commercialisation est d'ailleurs récemment suspendue par le ministère en charge de l'Intérieur. Voilà certains objets saisis lors d'une fouille perquisition menée dans certaines zones de la commune Kayanza ce vendredi. Au niveau de la police, Kayanza, on remercie la population qui a dénoncé les commerçants qui pratiquent encore ce commerce illicite. Gabin Dikourio, commissaire provincial de police à Kayanza, demande à l'administration de s'impliquer davantage dans l'éradication de ce type. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Le Burundi a déjà atteint un seuil satisfaisant dans la lutte contre la lèpre, même si des cas se manifestent encore dans certaines provinces du pays. Déclaration du ministre de la Santé au moment le dernier dimanche du mois de janvier a été dédiée à la lutte contre cette maladie. Dr Sylvine Zeimana précise que la lèpre peut guérir. Elle appelle ceux qui se cachent d'abandonner ce comportement. La lèpre existe toujours aussi bien dans le monde qu'au Burundi. Elle touche essentiellement la peau, les muqueuses et le système nerveux périphérique. Elle se transmet par les voies respiratoires et concerne indifféremment les hommes, les femmes et les enfants. La lèpre n'est pas héréditaire. Maladie insidieuse, à très lente incubation, elle peut cependant entraîner des paralysies et infirmités sévères si elle n'est pas dépistée et traitée à temps. Le premier symptôme visible est une tache insensible sur la peau. La lèpre, non dépistée et non traitée précocement, évolue vers des complications dont les ulcérations plantaires, la contracture des doigts et des orteils, la perte de la vue et l'invalidité totale. Cela peut entraîner la stigmatisation et l'exclusion du malade du tissu social et économique. Bien que le Burundi ait atteint le seuil d'élimination de la lèpre, nous constatons une recrudescence des cas de lèpre. Les données statistiques collectées par le programme national lèpre et tuberculose montrent qu'en 2019, un total de 415 patients ont été dépistés, 407 patients en 2020 et 467 nouveaux cas de lèpre en 2021. La lèpre reste endémique dans les provinces de Cyanhuzo, Ruyigi, Rutana, Makamba, Rumonge, Chibitoke et Bubanza. Dans notre pays, le traitement de la lèpre est gratuit et les médicaments sont disponibles. Il est à noter malheureusement que les malades consultent tardivement dans les centres de santé au moment où la maladie a déjà atteint le stade des complications et certains d'entre eux ne consultent même pas. La sensibilisation de la population reste incontournable pour une participation de tous dans la lutte contre cette maladie. Et dans la suite de ce journal, le chef de l'État, Evariste Ndayishimiye, appelle la jeunesse en général de couper court avec les mauvaises idées comme quoi ils n'arriveront nulle part dans leurs activités d'autodéveloppement. Il leur a demandé en outre d'éviter des lamentations disant qu'ils sont pauvres, mais de savoir que chacun a des potentialités pour réaliser des projets de développement. C'était ce samedi lors d'une séance de moralisation des jeunes au centre jeune Kamenge en collaboration avec le programme d'autodéveloppement économique et d'emploi des jeunes PAEG. Ces enseignements ont été organisés à l'intention des jeunes qui ont été formés par le centre jeune Kamenge dans la planification des projets. Le chef de l'État signalait que de tels enseignements sont utiles pour la jeunesse afin qu'elle sache faire de bons choix de projets de développement. Le président de la République, qui a également promis la mise en place d'une commission en charge du contrôle des cotisations syndicales des enseignants, lors de cette moralisation des jeunes entrepreneurs au centre jeune Kamenge ce samedi, le président Évariste Ndayishimiye d'y partir de la récente menace de préavis de grève annoncée par les syndicats des enseignants une fois que le processus du test de niveau pour les enseignants continue. Il prévient les enseignants grévistes remplacés et qui saisiront la justice. Ils ne gagneront jamais le procès contre l'État. Suivez-le. Si parmi vous, il y a des enseignants, j'espère que vous êtes ressaisis. Juste parce que nous voulons savoir les enseignants qui n'ont pas de capacité nécessaire pour être recyclés, afin qu'ils continuent l'enseignement de nos enfants. Ils veulent que notre jeunesse n'acquiert jamais de connaissances suffisantes et menace de gréver pour éviter d'être recyclés. Est-ce que vous voulez que nos enfants meurent ignorants? Est-ce que ce ne sont pas des mauvais esprits? Mais depuis que j'étais encore au banc de l'école, j'ai toujours vu des recyclages. Comment savoir qui recycler? Qui les recycleront? Il faut d'abord les chercher. Les compétents formeront ceux qui n'ont pas de capacité. Comment le savoir s'ils ne sont pas testés? Mais ils menacent de gréver. D'accord. S'ils refusent d'être recyclés, nous avons des jeunes chômeurs que nous allons former puis les remplacer. Et ils vont engager le procès contre l'État. L'État devient juge et parti. D'ailleurs, ça me rappelle une chose. À ces représentants de ces syndicats, je m'engage à chercher toutes les cotisations de ces enseignants. C'est ce qui leur cause la vanité. Ils s'en prennent aux cotisations et envoient les enseignants dans des grèves. Combien cotisent-ils par mois? C'est pas moins de 500 000 francs burundais. Je mets en place une commission chargée de contrôler les cotisations syndicales des enseignants et leur gestion. Ce sont ces fonds non contrôlés qui financent le terrorisme et d'autres crimes. J'ai l'expérience de combats armés. S'ils ont des réclamations, il faut le faire poliment. Mais s'ils engagent le combat, gare à eux. Le président de la République cherchait la cohésion sociale en rassemblant les militants des différents partis politiques reconnus par la loi Ngozi autour des travaux d'intérêt public au lieu de se déchirer. Voilà ce qui a poussé le conseil interconfessionnel du Burundi à organiser des travaux de construction du stade Agasaka Kaina Runyonga à l'endroit de ces derniers. Abel Amber Yazimana, représentant de ce conseil dans ses activités, espère arriver à cette cohésion vu le climat qui règne actuellement au sein de la population d'Ngozi. Il invite les militants des différents partis politiques et fidèles des confessions religieuses à répondre massivement à de telles rencontres clôturées par des discours de réconciliation. On l'écoute. En analysant la situation que nous avons traversée dans notre pays, les crises, les guerres répétitives et fratricides, nous avons pensé que nous pouvons jouer un rôle dans le rapprochement des gens pour que les gens puissent se parler, pour que les gens puissent échanger sur ce qui peut perturber la sécurité et la quiétude du peuple et ce qui peut surtout souder le peuple et renforcer la cohésion sociale. C'est pourquoi nous avons pensé rassembler les acteurs de la société burundaise, à savoir les partis politiques, parce qu'ils ont un grand rôle à jouer dans la consolidation de la cohésion sociale. Nous les avons rassemblés, nous avons organisé des rencontres, ils se sont parlé, ils ont échangé sur ce qui pourrait perturber la cohésion sociale et ce qui peut la promouvoir. Eux-mêmes ont cette initiative de pouvoir se rencontrer sur ce stade Agasaka dans ces travaux communautaires, parce que le développement, c'est le développement de tout le monde. Et en travaillant ensemble et en échangeant, c'est la cohésion sociale qui est promise. Vous voyez qu'ils sont mélangés de toutes les tendances, que ce soit la mouvance, ceux qui se disent de l'opposition, ils sont rassemblés pour un même objectif. Le deuxième ingrédient que nous avons, c'est que régulièrement, au niveau provincial, ils organisent des rencontres. Ils échangent souvent. Ils échangent des messages sur ce qui peut promouvoir la cohésion sociale. Donc les gens qui jadis ne pouvaient pas se parler, maintenant nous sommes ceux qui peuvent se rencontrer, qui peuvent travailler ensemble, qui peuvent échanger et qui peuvent promouvoir cette cohésion sociale. Donc nous sommes sûrs parce que nous, les représentants des confessions religieuses, nous avons fait cet accord de qui nous lie ensemble, qui est le pays, qui est Dieu. Vous savez que dans notre pays, nous avons mis Dieu en avant. Nous sommes appuyés sur ceux qui soudent les gens, sur ceux qui promet la cohésion sociale pour pouvoir rassembler ces partis politiques. Et nous sommes fiers parce que ici et là, on n'entend pas beaucoup des événements qui peuvent perturber la société, qui peuvent perturber la cohésion sociale, et nous en sommes fiers. Nous pensons que ça, c'est le premier travail qui nous rassemble et c'est le premier d'une série d'autres activités que nous pensons organiser. Et ce sont eux-mêmes qui proposent ce que nous pouvons faire pour promouvoir cette cohésion sociale au sein de notre région, de notre province. Abbé Lambert Riazimana, qui a représenté le conseil interconfessionnel du Burundi à ses travaux de construction du stade Agasakaka Inarunyonga à l'endroit des jeunes de différents partis politiques reconnus par la loi à Ngozi. Et ses propos ont été recueillis par notre correspondant sur place à Ngozi, Apollinaire Muzagara. Et pour boucler ce journal, Emmanuel Nengo a été réélu pour un autre mandat de 5 ans à la tête de la représentation légale de l'association Unisonon pour la promotion des Batois Uniproba. C'était ce vendredi lors de l'Assemblée générale ordinaire de la dite association. Il promet de continuer à plaider pour le développement des Batois, sans oublier la question des terres cultivables qui les préoccupe le plus souvent. Suivez-le, il est au micro de Eddie Boris Itangiteka, stagiaire à notre station. Les 5 à venir, d'abord, ce que je promets, c'est que je serai toujours responsable. 2, je serai à la disponibilité de mon association, de notre communauté, dans la course sur laquelle nous sommes, sur la revendication des droits de la communauté Batwa. Puisse améliorer ses conditions de vie, puisse participer à la gouvernance de la chose publique, également pour que la communauté Batwa change de mentalité. Ça, c'est notre engagement et nous espérons que nous allons aboutir à l'espoir que nous avons, surtout le respect et la protection des droits de la communauté Batwa dans cette nation burundaise que nous sommes fiers d'être burundais. Emmanuel Nengo, réélu à la tête de l'Uniproba. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Il est 13h15 à Bujumbura et sur Isanganiro. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à réaliser ce journal. Également, merci à François Akimana pour la mise en onde de micro. Jean Bosco Nduimana, passez un très bon week-end. Et comme annoncé au début de ce journal, Raissa Liliane Innamahoro me rejoint dans ce studio pour la présentation de la revue de presse. Revue de la presse. Bienvenue à cette revue de presse. Le grand déballage entre la Banque de la République du Burundi, BRB, et la Banque commerciale du Burundi, Bankobu, écrit le journal Iwachu, évoquant ici un crédit hors norme octroyé par cette dernière à son client, même si elle s'en est excusée par après, en s'engageant à revenir dans les limites autorisées par la réglementation dans un délai de 6 mois. Selon le président de Parole et Action pour le réveil des consciences et l'éveil des mentalités par SEM, les banques sont guidées par 2 principes. Les normes prudentielles et la gestion des risques, des principes auxquels a délibérément dérogé la Bankobu, juge l'économiste dans les colonnes de son confrère, estimant que cela témoigne d'une pourriture du système des affaires. Le président du PARSEM pointe du doigt un capitalisme de copinage qui s'installe durablement et appelle la BRB à prendre ses responsabilités en sifflant la fin de la récréation, martèle-t-il, toujours dans les colonnes de l'hebdomadaire Iwachu. Revue de la presse. Des véhicules électriques pour bientôt, s'interroge Burundi Eco au regard d'une annonce d'Edouard Nyandwi, conseiller au cabinet du ministre du Commerce, du Transport, de l'Industrie et du Tourisme, à savoir que dans le cadre de la protection de l'environnement, le gouvernement du Burundi, à travers le ministère ayant les transports dans ses attributions, a déjà entrepris un programme de mobilité électrique. Dans la première phase, souligne ce journal, un don d'une vingtaine de tuk-tuk sera octroyé par la société indienne Mahindra à l'Office des transports en commun, Otraco, pour exploitation. Une autre initiative en cours consiste à développer le transport non motorisé, non seulement pour éviter les accidents, mais aussi pour inciter à la marche à pied et au déplacement à vélo afin d'éviter les émissions des véhicules. Note cet hebdomadaire socio-économique qui relève aussi que les tronçons concernés par le projet sont notamment le boulevard Ngambutsa à partir du rond-point des Nations Unies jusqu'à la gare du Nord sur une longueur de 2,4 km. L'autre tronçon pilote est le boulevard Ndadaye à partir du rond-point situé à l'ex-bureau de Léo jusqu'au rond-point de la Braroudi, écrit toujours Burundi Echo. Revue de la presse. Le projet de loi portant ratification de l'accord relatif à l'exemption des visas entre le Burundi et l'Égypte a été adopté à l'unanimité par l'Assemblée nationale jeudi. C'est ce que rapporte l'agence burundaise de presse. Ce confrère précise que cette exemption de visa concerne les détenteurs de passeports diplomatiques, spéciaux et de service. Selon l'ABP, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération au développement Albert Shingiro a expliqué aux députés que comme le passeport diplomatique et le passeport de service, le passeport spécial est un document officiel de voyage délivré par le gouvernement d'un État souverain à ses citoyens désignés pour accomplir une mission spéciale et ou professionnelle qui leur est confié à l'étranger. Ce document facilite la circulation et le déplacement du détenteur qui sera à l'étranger pour y exercer une mission. À la question de savoir pourquoi l'on n'a pas ajouté le passeport ordinaire dans cet accord visant le renforcement de la coopération entre le Burundi et l'Égypte quant à la libre circulation des personnes dans ces deux pays, le ministre Shingiro a fait remarquer que de tels accords reconnaissent rarement un tel passeport, sauf dans les pays limitrophes, ajoutant que les passeports ordinaires sont parfois utilisés au niveau des blocs régionaux, tout en soulignant qu'au cas contraire, il y aurait une forte circulation des populations entre les pays des parties contractantes, note toujours l'ABP. Revue de la presse. Des états généraux de l'éducation pour booster sa qualité, écrit la voix de l'enseignant. L'habitude tue, regrette cet hebdomadaire de l'éducation, qui constate amèrement que l'on a tendance à organiser des états généraux dans divers domaines pour trouver des solutions aux problèmes, mais que les recommandations transmises ne sont pas appliquées, avec comme exemple celle des états généraux de novembre 2014. Le journal La Voix de l'enseignant a compilé différents rapports des commissions en rapport avec le système éducatif burundais et dégage la conclusion suivante. Pour une réussite d'une réforme, il faut développer une communication conséquente à l'endroit de tous les acteurs de l'éducation, ce qui permettra une adhésion de tout le monde et une appropriation par tout un chacun. Concernant les supports pédagogiques et didactiques, les enseignants estiment qu'il est superflu qu'on puisse dispenser l'informatique sans ordinateur et sans électricité. La mécanique sans outils appropriés. Ainsi se referme cette revue de presse préparée et présentée par Raissa Liliane Inamahoro et Jean Bosco Ndouimana. Restez branchés sur nos ondes. Revue de la presse.